qui m'a donné tant de tendresse depuis tant d'années. Tu le sais bien, comme je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur. Il n'y aura pas d'amour aussi grand que mon âme pour toi, maman. Remain you so, made a chao veta, thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mưa bão không còn rơi, mẹ hiền có biết